Quel message un peu vite. La version, je sais pas le tempo. Ok, on va essayer. Ouais, c'est celle d'origine. On verra bien si je me plante, bah, tant pis. Hein. Attends, je vais tonner la. Enfin, je vais essayer de trouver la tonalité. Pas tonalité là. Attends, ouais. après café. Je crois qu'en 64, si tu veux, ouais. Ah merde, j'ai fait la majuscule. Voilà. Normalement, on est prêt pour le prochain train. C'est la mienne. Ah putain, pourtant elle est accordée. Enlève ta batterie. Palm tree. Attention, Battlefield. Merde, j'ai raté le départ. Ah, putain. Allez, je pars au prochain. Je prends le prochain train. Départ au prochain train. version pourrable. An empty veil, I knew the power like the back of my hand. I feel the air beneath my feet, tied by the river and in many complete. The sympathy, where have you gone? I'm getting old and I need something to really. When you can let me in, I get it up and I live somewhere to begin. I come across burning thing. I feel the branch of his looking at me. Is this a place we used to love? Is this a place? Where you go? I'm getting old and I need something to really hold. Tell me where, can you let me in? I'm getting tough. You can let me in. I'm getting tough.